Chapitre 20e. Isabelle de France, reine d'Angleterre. 1. Édouard II. Isabelle de France était fille de Philippe le Bel et était née en 1292. Dès son enfance, elle avait été fiancée au prince de Galles, le premier héritier de la couronne qui portait ce titre, et dès que celui-ci fut arrivé au trône, il passa la Manche et se rendit à Boulogne pour y recevoir sa fiancée. Isabelle était belle comme son père, et tenait en outre de lui un caractère ferme et altier. Elle semblait convenir à Édouard II, prince indolent et faible, et être destinée à prendre une grande part au gouvernement. Mais si elle ne rencontra de la part de son mari aucune résistance, il n'en fut pas de même de la part du ministre favori, Gavestone, à qui le roi avait appris déjà à obéir. Malgré l'attrait de sa beauté, malgré son intelligence et son énergie, Isabelle, chose étrange, ne put conquérir sur Édouard la même influence que Gavestone et trouva un rival et un maître dans le favori de son mari. Écartée du pouvoir et bientôt après de la cour, elle se vit insultée par le ministre en présence du roi et dut se résigner à dévorer l'affront de cet insolent parvenu. Une conspiration à laquelle elle ne prit aucune part l'en délivra, mais n'étant pas mieux traitée, elle dut se plaindre au roi son père. Le comte d'Évreux, frère de Philippe le Bel, se rendit en Angleterre auprès de sa nièce, tandis qu'Édouard se rendait en France pour demander l'appui de son beau-père contre ses grands vassaux coalisés. Ce fut sur ces entrefaites qu'Isabelle donna le jour à un prince qui devait être Édouard III. Son mari eut dû en éprouver un retour de tendresse, mais ce singulier prince s'éloigna de nouveau de sa femme pour suivre un second favori, Hugh Spencer. Il faut avouer que s'il ne fut pas aimé, il ne méritait guère de l'être, et les galanteries d'Isabelle ne peuvent nous étonner. La jeune reine chercha naturellement un appui parmi les seigneurs ennemis déclarés de Spencer. C'est sans doute à cette époque que remonte sa liaison avec Roger Mortimer. Nous ne nous attarderons point aux détails, sans intérêt aujourd'hui, de la lutte des grands d'Angleterre contre le favori. Cependant, pour expliquer la conduite d'Isabelle, nous sommes obligés d'en dire quelques mots. La noblesse obtint l'exil de Spencer, mais elle ne profita de sa victoire que pour se montrer plus arrogante envers le roi et insolente envers la reine. Celle-ci, dans un voyage, s'étant présentée aux portes d'un château, s'en vit refuser l'entrée avec mépris. Orgueilleuse et vindicative, Isabelle parvint à arracher son mari à son apathie et à obtenir vengeance de l'insulte qui lui avait été faite. Mais elle ne put ensuite s'opposer au retour du favori. Dès lors, plus puissant que jamais, le ministre ne garda plus aucune mesure avec la reine. Il ne voulait point d'une alliée avec qui il prévoyait qu'il devrait un jour partager le pouvoir. Il la traita en ennemie, et l'inexplicable complaisance d'Édouard lui en donna tous les moyens. Il la dépouilla du comté de Cornouailles, qui lui avait été donné en apanage pour sa dépense particulière. Isabelle en écrivit à son frère pour réclamer justice. « Dans la maison du roi, mon époux, lui disait-elle, je ne suis plus regardée que comme une servante à gages. » Mais des démêlés politiques au sujet de la Guyenne, s'étant élevés entre les cours de France et d'Angleterre, lui offrirent l'occasion d'aller à Paris en se chargeant d'une mission conciliatrice en 1325. Une fois à Paris, elle se sentit puissante. Bien loin de s'occuper de conciliation, elle ne pensa qu'à tirer vengeance des maux qu'elle avait endurés. Elle appela à elle les mécontents d'Angleterre, qui accoururent en grand nombre se ranger autour d'elle, et au nombre de ceux-ci, elle n'oublia point le beau Roger Mortimer, un des premiers barons du pays de Galles. Spencer prévint l'intention de Roger et le fit arrêter, mais celui-ci, aussi habile que brave, s'évada de sa prison et parvint à rejoindre la reine. Dans les termes où elle se trouvait avec son mari, Isabelle ne crut pas devoir prendre la peine de cacher son amour pour Mortimer. Celui-ci, brillant de tous les avantages extérieurs, devint pour Isabelle l'objet de la passion la plus vive. Il se montrait partout à ses côtés, et à la cour de France, on lui rendait des honneurs presque égaux à ceux d'un prince. Enfin, c'était à sa garde et à ses soins qu'était confié le jeune prince de Galles, que la reine avait eu la prudence et l'habileté de faire venir en France. La faveur de Roger Mortimer était si peu dissimulée que l'évêque d'Exeter, envoyé par Édouard II, en fut scandalisé. Il quitta brusquement Paris et retourna près du roi pour lui faire la triste confidence de son déshonneur et de ses dangers. Nous n'oserions dire qu'Édouard dut être fort étonné, mais il ne fut pas moins indigné que s'il avait réellement mérité la tendresse de sa femme. Il somma Élisabeth de revenir à Londres, en même temps que par une autre lettre, il ordonnait à son fils de quitter la France sur-le-champ, soit avec sa mère, soit sans elle. À cette sommation, Isabelle répondit par une adresse au roi et au gouvernement anglais, dans laquelle elle exposait ses justes griefs pour les humiliations qu'elle avait subies, et déclara qu'elle ne remettrait les pieds en Angleterre que lorsque Hugh Spencer aurait été banni des conseils et de la présence du roi. Cette attitude énergique accrut le nombre des partisans d'Isabelle. L'Angleterre se trouva divisée en deux camps. Une lutte était inévitable. Ne pouvant compter sur l'alliance effective de son frère, Isabelle s'adressa au comte de Hollande et lui demanda la main de sa fille Philippine pour le prince de Galles. Le comte, flatté de cette alliance, mit à la disposition de la reine plusieurs navires et un corps de troupes de 3 000 hommes environ. La flottille appareilla du port de Dordrecht et le hasard permit que le point où elle aborda se trouva précisément sans défense. Isabelle débarqua à Orwell, sur la côte de Suffolk, le 24 septembre 1326. De tous côtés, ses partisans accoururent, évêques et grands seigneurs, et jusqu'au comte de Kent, le frère du roi. La haine qu'inspirait le favori lui recrutait une armée. Le faible Édouard ne songea même pas à se défendre. En apprenant que la reine marchait vers Londres, il prit la fuite, sans savoir où il pourrait trouver un asile. Isabelle le poursuivit jusque sur les côtes de l'Ouest, où il tomba entre ses mains. Alors elle se montra sans pitié pour ses ennemis. Spencer et ses partisans périrent dans les supplices. Entrée à Londres sans avoir rencontré de résistance, elle assembla aussitôt le Parlement et lui fit demander la déchéance d'Édouard II. Les parlements ne résistent guère au coup d'État. Celui-ci se montra docile aux volontés des vainqueurs. Chose étrange, ce fut au nom du roi Édouard II, dont il tenait ses pouvoirs, que le Parlement prononça la déchéance de ce monarque. Il nomma ensuite régent du royaume le jeune prince encore mineur. Peu de temps après, il devait être proclamé roi. Cette révolution s'accomplit en quelques jours, frappant de stupeur ses ennemis qui n'eurent pas même le temps de se concerter. 2. Les crimes. L'histoire se répète souvent, dit-on. Les mêmes passions entraînent aux mêmes fautes. Devenue libre et toute puissante, Isabelle ne sut garder aucune mesure et se livra sans pudeur à sa passion pour Mortimer, qui fut entouré des mêmes honneurs que l'on rendait à Édouard. Ce dernier cependant était retenu dans une étroite et cruelle captivité. La reine, qui daignait parfois parler de lui dans les termes d'une pitié attendrie et lui envoyait quelques présents ou quelques mets choisis de sa table, se refusait à lui laisser voir son fils. Et le peuple, quand l'éclat des fêtes de la cour se projetait jusqu'à lui, comparait le sort du favori avec celui du roi détrôné. Le peuple plaignit le roi et commença à murmurer. C'est ce que nous avons déjà vu au sujet de Darnley d'Écosse. Mortimer s'effraya de ces murmures et de ces sympathies. La perte d'Édouard fut résolue. 2 sicaires à sa solde, nommés Gournay et Maltravers, pénétrèrent dans la chambre du roi pendant son sommeil et lui plongèrent un fer rouge dans les intestins. On rapporte qu'ayant consulté l'évêque de Hereford avant de commettre le meurtre, les assassins avaient reçu du prélat cette réponse ambiguë « Eduardum regem nolite timere bonum est », ce qui peut se traduire « Ne craignez pas le roi Édouard, il est bon » ou « C'est bon, ne craignez pas Édouard ». Édouard III, proclamé roi après ce meurtre, était âgé de 14 ans. Mais ce jeune prince montrait une énergie précoce et paraissait décidé à régner. Bientôt il fit à Mortimer une opposition ouverte et se forma un parti que l'insolence du favori se chargea de grossir de jour en jour. Isabelle, au contraire, ne montrait plus la même audace et la même fermeté, et ainsi que la plupart des reines que nous avons vues, elle devint la première sujette du maître qu'elle s'était donnée. 4 ans s'étaient écoulés lorsque le bruit se répandit que des signes trop évidents allaient trahir la liaison coupable de la reine avec Roger Mortimer. Elle habitait alors avec lui le château de Nottingham, sous la garde d'une nombreuse garnison. Édouard III, ému des bruits dont nous venons de parler, ou décidé à s'en prévaloir pour renverser le pouvoir de Mortimer, se résolut à une tentative audacieuse. Ayant découvert dans la campagne aux environs de Nottingham un souterrain qui communiquait avec le château, il s'y engagea avec une poignée d'hommes dévoués à sa personne et pendant la nuit pénétra dans la forteresse dont il se rendit maître. Malgré les cris, malgré les larmes d'Isabelle qui, se traînant aux pieds de son fils, le suppliait d'épargner le gentil Mortimer, le favori fut saisi, chargé de chaînes, et peu après, sans aucune forme de procès, envoyé au gibet. En même temps, le roi faisait conduire sa mère au château de Rising, près de Londres. Isabelle s'était fait allouer, à titre de douaire, les deux tiers des revenus de la couronne. Sa pension fut réduite à 4 000 livres sterling. Cela devait suffire à une prisonnière. Néanmoins, Édouard voulut qu'elle fût traitée avec les égards dus à son rang. Il ne se départit point du respect qu'il lui devait. Sans doute, il n'ignorait point ses fautes et ses crimes, mais il en imputait la plus grande part à Mortimer. Celui-ci ne lui avait arraché son consentement au meurtre d'Édouard II qu'en la persuadant que le roi la ferait brûler vive s'il remontait sur le trône. Isabelle survécut 28 ans à Mortimer. Elle mourut au château de Risingh le 22 août 1358. Édouard III ordonna qu'elle fût enterrée avec une pompe royale dans l'église des franciscains de Londres.